50 languages. 36. 36. وسائل النقل العام. Les transports publics. Les transports publics. أين موقف الحافلة؟ Où est l'arrêt du bus? Où est l'arrêt du bus? أية حافلة تسير إلى مركز المدينة؟ Quel bus va dans le centre-ville? Quel bus va dans le centre-ville? أي خط علي أن أستقله؟ Quelle ligne dois-je prendre? Quelle ligne dois-je prendre? هل علي تبديل الحافلة لمتابعة السفر؟ Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois changer? أين يجب تبديل الحافلة؟ Où dois-je changer? Où dois-je changer? كم ثمن التذكرة؟ Combien coûte un billet? Combien coûte un billet? كم عدد المحطات حتى مركز المدينة؟ Combien y a-t-il d'arrêts jusqu'au centre-ville? Combien y a-t-il d'arrêts jusqu'au centre-ville? عليك أن تنزل هنا. Vous devez descendre ici. Vous devez descendre ici. عليك النزول من الخلف. Vous devez descendre à l'arrière. Vous devez descendre à l'arrière. قطار النفق التالي سيصل بعد خمس دقائق. Le prochain métro arrive dans 5 minutes. Le prochain métro arrive dans 5 minutes. الحافلة الكهربائية التالية ستصل بعد 10 دقائق. Le prochain tram arrive dans 10 minutes. Le prochain tram arrive dans 10 minutes. الحافلة التالية ستصل بعد 15 دقيقة. Le prochain bus arrive dans 15 minutes. Le prochain bus arrive dans 15 minutes. متى ينطلق آخر قطار نفق؟ Quand part le dernier métro? Quand part le dernier métro? متى تنطلق آخر حافلة كهربائية؟ Quand part le dernier tram? Quand part le dernier tram? متى تنطلق آخر حافلة؟ Quand part le dernier bus? Quand part le dernier bus? هل بحوزتك تذكرة سفر؟ Avez-vous un billet? Avez-vous un billet? تذكرة سفر؟ لا، ليست لدي. Un billet? Non, je n'en ai pas. Un billet? Non, je n'en ai pas. إذن عليك دفع غرامة. Alors, vous devez payer une amende. Alors, vous devez payer une amende.